Allez, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Cthulhu. Yo yo yo. Yo yo yo. Merci pour l'invite, Nico. Saturation. Saturation. Ok, donc ce soir c'est une émission un peu centrée autour de toi. Hein, finalement, ça fait plaisir. Ah bah ouais, nickel. T'es mon invité, et puis on avait décidé d'une émission rétrospective un peu. Ouais, rétrospective voilà, un peu. Un peu. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'a construit en tant que qu'est-ce qui m'a construit? Allez, qu'est-ce psychanalyse. Qu'est-ce qui t'a construit en tant que DJ et puis en tant que personnage actif de la scène électronique? Personnage actif. Bah ouais, c'est plutôt personnage voilà. Pas actif, mais oui, ok, ouais, une petite rétrospective, des voilà. Morceaux avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels des morceaux qui tu m'ont as un vécu. Peu, ouais, vécu, je sais pas, bah j'aime pas trop cette vision du truc, mais les morceaux, ouais, que tu vois que j'écoutais au collège, au lycée. Pas mal de morceaux qui me viennent aussi de la passion un peu techno que mes parents avaient. Donc à la maison, ça écoutait beaucoup de techno, beaucoup de house, beaucoup de un peu de dance aussi. Et plein d'autres trucs. Ouais, à l'époque. Donc voilà, c'est des trucs, on va passer des trucs, je vais passer des tracks. J'ai préparé une tracklist là de tracks qui m'ont toujours un peu accompagné, des références sûres, on va dire. Très sûres. Yes. Et puis on parlera un peu de toi un peu, enfin voilà, ce que tu fais en dehors. Enfin, t'étais pas juste un kidam. Si tu veux. Voilà. Alors, par quoi on commence, du coup? Eh ben, écoute, par quoi commencer coup. Ouais, Prodigy, ça représente quand même une bonne partie des trucs qui m'ont accompagné, on va dire. On dirait que je vais mourir. On dirait qu'on parle des. Ben on ouais, qu'on c'est parle toujours de, le genre, le je vais bientôt mourir puis, et voilà, ouais. En gros, je fais un recueil ouais. De ouais, ce ouais. Que j'écoutais et voilà, donc en gros, voilà, je vais bientôt partir. C'est le danger de la rétrospective, hein. C'est la rétrospective. On peut commencer avec un Prodigy, Everybody is in the Place, sorti en 92 sur XL Records, bien sûr. Et c'est parti. On écoute ça et à tout de suite. Go! We'll be right back. Écoute, Prodigy, bon, j'avoue qu'à l'époque, j'écoutais pas de musique électronique. Donc, tout ce que je connais de Prodigy, c'est ce qui est allé dans les charts. Et voilà. Donc, ce qui est le moins bien, en fait. Hein. Ce morceau est super. Ouais, merci. Ouais, il y a un pouvoir dance un peu dessus. Ouais. Et bon, moi, tu vois, j'aime bien la dance, en fait, au final. Ouais. Et moi aussi. Là, dans ces morceaux. Enfin, à l'époque, non, mais maintenant. J'ai sélectionné trois morceaux de Prodigy. On peut en mettre un autre, je pense, en fond, d'ailleurs, peut-être. On va faire par groupe, hein, et tu verras que y a toujours un truc un peu dense. Ouais, c'est-à-dire rapide et... Ouais, non, mais y a, au niveau des basses, ou... des instrus, des synthés utilisés, y a un truc UK, il y a un truc bass, et ça ressemble à dance au final. Mm-hmm. Du coup, là, on passe sur Full Throttle, 1994. Right. Sacré choix ce morceau d'Aphex Twin. Yes, donc juste avant, hein, c'était Prodigy. Ouais, Full Throttle. Full Throttle de 1994 sur, je pense, Prodigy The Experience, un album de B-Sides. Ah oui. Et je crois que c'est leur premier album studio. Pardon ? Premier album studio, c'était Prodigy The Experience. Et ensuite, il y a qui regroupe des phases B. Ouais, qui regroupe des phases B, des rares, etc., des démos. Et puis ensuite, il y a eu, Music for a Jaded Generation. Et ensuite, il y a eu le fameux The Fat of the Land. Qui les a fait exploser. Qui les a fait exploser jusqu'à, Smack My Beach. Jusqu'à la mort. Là, on écoute un truc qui a pas fait exploser Aphex Twin. On écoute un truc qui a pas fait exploser Aphex Twin. En revanche, on écoute un Aphex Twin Bucephalus Bouncing Ball sur l'album Come to Daddy. Et Come to Daddy, c'est l'album qui a fait exploser quand même Aphex Twin un petit peu au niveau du grand public. Ouais, parce qu'il y a Window Licker. Ouais, mais Come to Daddy, c'était quand même le truc grand public accessible. Moi, je me souviens qu'en 87-98, j'allais à Virgin Megastore ou à la Fnac. Tu sais, il était quand même. en promo le truc. Présent. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Écoute, on va passer sur. Non, tu voulais parler un peu de ce morceau Non. Quand même assez. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un morceau. Un peu dur malgré tout. Tu fais écouter ça à une grand-mère, elle va te dire oulala, ton aspirateur est bouché quoi, en gros. C'est un bruit d'aspirateur bouché, voire même cassé à remplacer quoi. Ouais. Bon, trêve de blagues moisies, moisaves. Sur quoi on pourrait enchaîner? Bah écoute, on va faire un truc random. Hein. Moi je pense à. Allez, 1998, sur F Communication, à FCOM, hein, le label le fameux. Ouais, bah, Laurent Garnier, Collard City. Allez, go. Un virage à. Gros virage. 270 degrés. Thank you. Laurent Garnier, qui passait à la télé à l'époque. Ouais, et là on passe sur un Lunatic Asylum de Meltdown sur Fnac Music Dance Division. Ah ouais. Qui est devenu plus tard F Communication, hein, qui est bien connu pendant 1994 par Laurent Garnier et Eric Morin. Qui était. D'accord, FCOM c'est Fnac. Ouais, FCOM c'était Fnac à la base, donc c'était Eric Morin, le directeur artistique de Barclay, qui lui a proposé en 94 de convertir Fnac Music Dance Division en FCOM, F Communication, hein, sur lequel il y avait Saint-Germain, Scanix, Laurent Garnier, Mister Oiseau, Lunatic Asylum, plein d'autres. Bah, Lunatic Asylum, peut-être pas, du coup, il est peut-être resté sur Fnac Music Dance Division, mais voilà, ça a ouvert la voie à Laurent Garnier, à plein de trucs qu'il a sorti, quoi. C'est le thème de Dune. Et non, pas du tout. Non, pas du tout. Et en fait, non, Lunatic Asylum, je me suis renseigné, c'est pas le thème de Dune, c'est le thème ça y de. Ressemble. C'est une musique de Ulysse 31. Un des morceaux de la série Ulysse 31. D'accord. Qui est sorti en. Japonais. Voilà, compositeur japonais, donc qui est sorti en 81, je crois. Ouais. Avant Dune, avant le film. Donc voilà, beaucoup de gens croient que c'est le thème de Dune, mais c'est pas le thème de Dune. Très bien, bon ben merci pour cette rectification. Et ouais. Et on écoute ce morceau assez long qu'on va couper à un moment donné, qui met du temps qui va et qui revient. We'll be right back. On a donc Cygnus X. Cygnus X, The Orange Theme, c'est voilà. Donc musique Clockwork Orange. Voilà, Orange Mécanique, le film que j'aime pas du tout d'ailleurs, donc sorti avec en 94. Le film n'est pas sorti en 94, le son là qu'on écoute est sorti en 94, hein, c'est un classique de trance, ce qu'on appelait trance avant. Le son est mieux que le film. Ouais. Un film de Kubrick, sorti au moins dans les années 70. Dans les années 80, je pense. Ouais, fin 70. Écoute, cool. Ouais, Cygnus X, moi j'adore la trance. Tu sais sur quel label c'est sorti, non? Je sais pas, Banzai, IQ ou... Je sais pas, non, je sais plus, non. Okay. Peut-être Banzai, ouais. Excellent. Excellent, ouais. Ouais, je vais te poser des questions. Ouais. écoute, t'as animé pendant un certain moment Straight Away. Qu'est-ce que tu peux en parler? C'était quoi le... Qu'est-ce que t'as voulu faire? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que t'as voulu faire? Qu'est-ce que t'en as tiré comme... satisfaction, ouais. Ou pas quoi, ou... Satisfaction, je sais pas, il y avait peut-être pas un but de satisfaction d'origine. C'est un truc que j'ai monté avec Zach et avec Ben, ouais. Donc, Exit Strategies, aka Brian de l'Alma, et Ben, aka Binary Digit. C'est un truc qu'on avait monté à la rage dans une époque où on était peut-être un peu à la rage aussi. J'ai fini par par héberger toutes les émissions. C'était plus simple comme ça. Il y en a eu 152. Je pense qu'on a invité beaucoup d'amis, mal de gens qu'on connaissait pas. Pas que des amis, des gens qu'on connaissait pas aussi, qui sont devenus des amis également après, par la suite. Voilà, beaucoup de DJ grenoblois, beaucoup de mecs aussi qui géraient des labels. Ouais, je veux pas rentrer dans les détails ni dans les big up ni dans les dédicaces parce qu'il y aurait trop de monde à Shootout. Mais c'était une époque cool, 150 épisodes. Les gens venaient chez toi, il y avait un fond vert. Les gens venaient chez moi, il y avait un fond vert, une caméra, on diffusait sur Facebook, sur notre site. Il y avait un accord musical avec le fond qui était soit décidé par l'artiste, soit par nous quand l'artiste était un peu trop à l'ouest, des fois. Ouais. Mais dans la plupart des cas, ça s'est toujours bien passé. Ouais, c'était une bonne époque. Je pense que c'est une époque qui a un peu révolue. Malheureusement, peut-être, on a fait le tour aussi du projet, des capacités du projet. De la portée. Ouais, on a fait le tour. C'est pas fini. Bon, pour l'instant, c'est fini. Ouais, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça et tout. Il y a eu beaucoup de streaming aussi en live. Tous les bolos qui faisaient pas de streaming avant et qui faisaient que des soirées à 30 000 balles avec des teupus. Comme Nina Kravitz qui jouait pour eux et compagnie, au final ils sont mis à faire des streamings à la con. Pour nous ça valait pas le coup, on avait déjà fait pas mal de trucs un peu plus de Nina Kravitz. Un peu plus branché. On peut en reparler des teupus comme Nina Kravitz, il y en a d'autres. Il y a tout couvert une pas mal là, l'autre jour là sur Facebook. Je sais plus comment elle s'appelle, Déborah Deluca je crois. Oh là on est au top level de la connasse qui. Ah c'est. Je vais me faire attaquer par les féministes mais bon on est au top level de la connasse qui fait la DJette mais qui est moisave. Donc oui pendant un moment streaming mise en avant. Voilà streaming mise en avant. Donc ça devienne une nécessité pour. Mais bon je dis pas qu'on est précurseur. Hein. Avant le Covid, on faisait du streaming, les gens qui n'en faisaient pas ont décidé à se mettre au streaming parce que c'était pour eux niveau business c'était le meilleur moyen d'attirer d'autres gens et de continuer à faire de la thune avec je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas comment ils font des thunes avec ça, avec Red Bull, avec Ballantines comme d'autres. Mais voilà, nous c'était vraiment un truc grenoblois, cool, entre potes, ça s'est un peu élargi, hein. On a invité d'autres potes et puis c'est jamais parti trop loin. On s'est jamais vraiment exporté ailleurs, on a pas invité de gens de trop d'autres villes. Je pense que ça a eu un rôle région, important quand même d'agrégation, quoi, de centralisation. Certains le disent. Ça laisse. Il y a des traces quoi, tu vois. Oui il y a des archives, on a 150 épisodes que tu peux écouter en ligne. Sur mixcloud.com/straightway ou sur facebook.com/straightwayradio. Super. Et qu'est-ce qu'on va écouter maintenant alors? On va rester un peu dans la trance chelou des années 95, trance allemande. Une compile que mes parents m'ont offert, je pense, bien après 95, au moins en 99 ou 2000, Rave Mission 3. Yes. On peut commencer sur. Cosmos de Mission. Attention, allez, c'est piquant et ça fait mal aux oreilles. Ok, nickel. We'll be right back. Là on a enchaîné trois morceaux trans de la meilleure facture des années 90. Ouais, 95, hein, Revmission 3, Reinforced Vibrations, une compile, je pense qui était sortie sur le même label que les albums Thunderdome, mais je suis pas certain. C'est la pochette, c'est ce AD&T. C'est un personnage à barbichette. Là, ouais. Les bras là. Ouais, un rêve gourou. Brave Go, ouais. Écoute, et là c'est Caucasus. Our Dream, c'est ça. Écoute, on peut passer sur autre chose. Ouais, bah carrément, ouais. Peut-être sur quelque chose de plus dur. Ouais, plus dur, ouais. Parce que là, depuis tout à l'heure, on se fait plaisir un peu. On va passer sur la violence, parce que bon. Il n'y a pas que dans les musiques. Dans les musiques qui m'ont influencé, il y a quand même pas mal de violence. On peut passer direct. Peut-être même pas sur le label de Lenny D quand même, Industry on Strength Records. On peut passer sur Forgotten Moments. Ouais, on peut passer direct sur Forgotten Moments de Lenny D. Bah, alors qui était sorti à l'époque sur LD, un label de, bah, le label de Lenny D. Son label, hein, ouais, son label. J'imagine. Et puis qu'il a transformé plus tard en globalement en Industrial Strength Records parce que voilà, il a c'est fait. C'est quoi alors, c'est néerlandais ou c'est. Non, c'est 100% c'est américain. 100% américain. Ouais. East Coast. Ouais, c'est ça, Lenny D. Je sais plus comment il s'appelle, Leonardo dit quelque chose. Di Carpaccio. Encore un Leonardo quoi. Ouais. Et ben on passe direct sur Forgotten Moments hein, que j'ai joué. Ça me rappelle un peu les Hidden Plaza tout ça. Yes. Big up à Maou, Azak et Ben d'ailleurs au passage. Ouais. On en parlera. La Fab peut-être plus tard. Yes. We'll be right back. Prochain déjà. Et ben c'est New York City Speedcore. New York City Speedcore, un DJ avec les paroles. C'est pas les de... Alors non. C'est sorti sur une compile Disciples of Annihilation. Ah ouais. On change complètement de registre. Plus ou moins, ouais, ouais, oui, quand même, ouais. Et c'est 1900. Ah oui, on augmente les BPM. 1996, hein, Disciples of Annihilation sur Industrial Strength, toujours les Indie Records. 100% USA. C'est parti. C'est parti. Le morceau est plus court. Hein. Fucking New York City Speaker! Fucking New York City! Fucking New York City! Fucking New York City! Hop là. New York City Speedcore, mais c'est pas le nom du morceau, hein, ce que t'as dit. Je sais plus le nom du morceau. Ouais, c'est peut-être New York City quelque chose. New York City. Ouais, peut-être. Metropolitan. Du coup, là, on passe sur Marshall Masters. Ah non, pardon, Iman, donc Elephant Man de Micropoint. Ecstasy Man. Un truc que j'ai poncé quand j'étais au lycée, voilà, Micropoint, Radium, tout ça, ça rappelle les soirées Roller Park Avenue à Vitry-sur-Seine, les soirées de trouble fête. Allez. Il s'appelle le type, t'as dit là. Bah, du coup, c'est Scanix, hein, Wasteland. Ah, Scanix, ouais. Toujours sur FCOM, hein, le label de Laurent Garnier, issu de la fusion entre The Knack et Sonic Group. Sonic Knack Music Dance Division. Sorti sur FCOM, ouais. Ouais, sur FCOM en 96. Voilà. Scanix, artiste français majeur de la scène. Ah bon, français, non, mais je comprends avec Adam X. Ah ouais, non, Adam X, non. J'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Ouais. Écoute, sur quoi on pourrait finir, et ben écoute. Alors on a Aphex Twin, Easy Us. Un petit Aphex Twin, pareil, hein, sur Comme Tout a dit, comme au début, 1997, sur Warp Records, bien sûr. Allez. Album Comme Tout a dit. Et ben, ce sera le dernier morceau, je te remercie d'être passé, tu reviendras pour. Peut-être un autre thème ou quoi. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à toi, Nico. Bisous. Ouais, ciao bisous, à tous. Bisous à tous. Blah. Ciao. This is something special for you. Transportons-nous par la pensée. This is something special. This is something special. Armen Baby, in aus dem schwarzen Bett. Transportons-nous par la pensée. This is something special. Armen Baby. We'll be right back. Thank you.